Aïe, Mimi surtout. Oui. À l'instant inestimable. T'avais dit du sale. Ah, c'est bien, Mimi. On pourrait aller voir ça sur YouTube. Mm-hmm. Faut soutenir, hein. Je viens juste d'arriver. Donc voilà. Il faut aller cliquer, vous tapez Mimi, vous trouvez. Exactement. Et félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac, du coup. Aussi. Dangereux, hein. On arrive fort, mais là, ouais, Y et W, ça cache aussi des filles, hein. On dirait pas comme ça, on dirait qu'ils sont un peu macho et tout, mais en réserve, on a de la meuf, hein. Et franchement, faut s'inquiéter. Faut s'inquiéter. Ah, c'est Amazon. Ouais. Elle est notre psychopathe. C'est Moclès, Amazon, je te vois trembler, hein. Cayenne, qui est pas là ce soir. Comme elle dit, il y a du talent dans nos immeubles. Ouais, exact, ouais. Dans le morceau. Ça se résume à ça, quoi. Inestimable, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Ouais. DI pour la nocturne, Gizmo est là aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour un live maintenant? Toujours prêt, gros. Et bah quand vous voulez, c'est la session live dans la nocturne pour conclure cette nocturne avec DI du Barbès Clan. On vous rappelle que le projet est toujours dans les bacs. C'est Freebase, faut aller chercher sur iTunes. Sur YouTube, faut vous connecter, Barbès Clan officiel. Sur Facebook, Barbès Clan officiel. Twitter, DI Barbès Clan. Instagram. Instagram, c'est comme ça on dit. T'as vu, parce que vas-y. Bon, là où il y a les photos, quoi. Voilà. Oh. On va trouver facilement. Et Barbès Clan aussi, pareil. Bon, on y va pour le live. Yes, le DJ est prêt. DJ Hold Up, t'es chaud ou quoi, mon sauce? Il attend que ça, ma gueule. Il y a les doigts qui brûlent. Eh ben alors, c'est parti. Session live maintenant. Dans l'émission. Gros big up à toi, Fred Poto. Je voudrais faire un gros big up à deux potos. Vas-y. MHN, des mecs qui ont fait des prods sur le projet. Des amis, tu vois, ils ont fait 5 instrus sur le projet, ça fait un petit moment que je bosse avec eux. Et voilà, ils sont là, MHN Beatmaker, Mesquin, DJ Oldem, deux gros beatmakers du 94. Ils font des prods de fou, les gars, contactez-les, y'a pas de soucis. Et c'est avec eux avec qui tu bosses? J'ai bossé avec eux, j'ai bossé avec DJ Vamp aussi. Donc un mec avec qui je bosse depuis des années. Il m'a fait deux prods sur le projet, Fabio Lito aussi qui m'a fait une prod sur le projet. Le morceau avec Mimi. Et DJ Vamp, bien sûr, c'est mon petit frère. C'est et le projet s'appelle Freebase. Freebase, volume 1, Freebase. Allez, quand vous voulez pour le live. Chaud de tossement, les frères. C'est parti? C'est parti, ma gueule. Session live maintenant, yes. Dans la nocturne, 100% rap français. Barbès Clan, Gizmo, Moclès, Mimi. Aïe. Ouais. Yeah. Ok. Hein? Freebase. Y et double F. Yeah. MHN à la prod. Ouais poto, moi c'est DI. J'arrive fumant comme un pognac. Paris 18, c'est mon pays. Tous affamés par les bonnes niasses. Tous les reçois, c'est samedi. Chante là, débouchonne le cognac. Flo est couplé de charognards qui feront bouger boule de ta grognasse. Dis-toi que si mes potos te sourient, c'est que ton bif fait tourner la boutique. Transact de produits narcotiques, accueillant même avec les gothiques. Les petits veulent porter du Gucci, s'en battent les couilles de tous tes coachings. Mettre le prix pour se vider le brochis à la vue d'un cul et d'un brochis. Y'a que le travail qui est bénéfique, gratte-toi à la tête ou le gratter des fuites. Jour à la recherche de bénéfices au quotidien, c'est véritable défi. Nique la crise, nique le déficit, tous ces mythomanes dans l'hémicycle. Barbès Clan, lyrics explicite, je viens tout baiser, c'était prévisible. Tiens, les petits sprites comme Usain Bolt. Après avoir choix à ta chaîne, les toxicos recherchent la drogue. Pire que les keufs, retourne ta cachette. Les dépressifs qu'on aura le bol. Sorte le gun et presse la gâchette. J'ai vu ton rap quitter la morgue. Puisse diriger à Père Lachaise, coincé devant la supérette. Le réel a remplacé tes rêves. Tu rentres chez Watt que quand t'es red. T'as le sourire seulement quand t'es F. Tiens, évite de passer à table, car la rue va manger tes restes. Trou de balle si t'as ouvert ton cul, il te reste plus qu'à planquer tes fesses. Bang, bang. On surveille nos faits et gestes. On en court plus que la garde à vue. Personne n'est à l'abri du head, personne à l'abri d'une bavure. Ce qu'on a appris du texte m'a plus instruit que la littérature. Que du vrai dans mes putains de textes. C'est pour ça que des issatures. Yeah, yeah, Barbès Clan. Yeah, Freebase. Ouzou, Gizi, coucou, Sissi. Laisse tourner, t'inquiète pas. Freebase, pas pécho, ma petite gueule. Yeah, check moi. Moi je suis qu'un bâtard qui connaît son daron. Tous les jours il manque, c'est pour ça que je suis bourré. Il laisse sa maman pour aller au ballon. Elle a dit j'arrête sans se retourner. Parle pas de vécu, sale chienne. J'ai toujours été vêtue, sable, fraîche. J'ai niqué mes études, crêché dans les cellules. Là il me faut des écus, ça presse. Artiste à la Sedina. Élevé dans les ghettos et les vrais villages. On veut des festinas autour du poignet. Pas de gris-gris, hein. Celui qui teste, il canne et laisse le festival. Rime, flow, fluide, guise, morbide. Villeneuve, la Garenne, motherfucker, c'est un peu guise, morbide. On n'a pas le temps. On veut mailler, on n'a pas le temps, on veut mailler, on n'a pas le temps, on veut mailler. Allez, qui c'est pour mailler? Ah! Yeah, raise ma gueule, va chercher ça, enfoiré. Va chercher tous ma cousin, que de la pure frère. Barbès Clan. Chochochotla. Aïe aïe aïe. Yeah. Hey. La rue te donne, mais elle te prend si tu fais pas tes devoirs. J'attends plus rien, personne. Dis-leur qu'ils aillent se faire voir. Le rap ma drogue, dis-leur que je décrocherai pas. Des crochets, des crachats sur tous ceux qui m'ont raccroché au nez. Si je fonce dans le mur, demande à D.I.C. pour cartonner. Si les bâtards respirent encore, je sais que je les ai pardonnés. Dans ma tête, c'est souk. Ils veulent faire leur sucre, repère leur sac. Pour être compté au pouce, ils te feront fumer leur crack. Les rues sont crades et les soldats veulent changer de grade pour faire son bise. Son buzz, son deux secteurs comme un nomade. On bat de la pente, on escalade, plus d'escalade, je d'escalade. La justice tue impunément et s'en sort avec du sursis. Fuck les histoires sans suite. En grand Dieu, on sait très bien que c'est pas la police qui protège. Au bout du compte, être renversé, tu dois payer tes prothèses. Taisez-vous, chausse le ton pour tous ceux qu'on oublie. Pour certains, force de l'ordre est devenue une phobie. Yeah, yeah. So shot la. Yeah. Yeah. Pull up la prod, mon sauce. Aïe, on peut tout dire en scred. Ouais, ouais, ouais, ouais. On est al. Yeah. Clesmo. Ça fait, ça fait. Eh, hey, hey, doucement, doucement, y'a les mamans qui regardent. S'il te plaît, ferme tes cuisses, cuisine, fais pas tout juste le grand écart. Entre le halal et le haram, y'a la Méditerranée. Moi, je suis en plein milieu, en train de ramer. J'habite à Teco, mais le flow, je l'ai pas pécho dans un caddie. Je sais qui je suis, pas comme la fille de Rachida Dati. Moi, j'ai fait coup de maître et j'ai rien à perdre. Ne confonds pas le frelon vert avec la mouche amère. Tous mes ennemis sont au bord de la crise de nerfs. Tellement j'ai des faces bonnes comme une hôtesse de l'air. Dis à tous ceux qui m'envient, à tous ces attaques. Je fais partie des grands MC et pas que par la taille. Mes respects au HIP, à choper, qui n'a pas attendu un touchard pour lancer des handicapés. On sait tous, tu bluffes, tu feintes. Mais t'inquiète, nous on vient de la street, mec. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. J'ai pas besoin de laisser mon adresse. Ils reconnaissent bien là le style du MC de Barbès. Barbès Clan, DDTI. Yeah, YW. Ok, elle m'enchaîne dans la prod. Yeah, ça fait, écoute, hein. Parti que dalle, on essaie de passer les étapes. La rue c'est plus le problème que de baisser tasse. Les types passent de la barrette au Beretta. Système déniqué l'étal, silence est le plus précieux des métals. Au fil du temps, tu te poses des questions intrigantes. Entre mener la vie de brigand et chercher un taf fatigant. Comme beaucoup, j'ai cru en la première option. Je voulais une vie meilleure pour mes parents. Je leur ai offert que la déception. Parano, tu dors d'un œil, t'es dans ta matrice. Tu te méfies de tes voisins, des éboueurs de la factrice. Y'a pas de hasard, on tire pas ton blaze à la loterie. Quand tu te retrouves chez les stupes ou les locaux de l'actrice. En quête d'un bête de train de vie, tu plonges dans les lagons. Passer par le mauvais chemin peut te faire rater le dernier wagon. Un ticket pour la gloire, ça peut coûter cher. Surtout quand c'est un genou qui te fait la courte échelle. Tiens. Sensibilisé, flow sans virilité. On est beaucoup plus qu'une grosse bande civilisée. On est déterminé à marquer l'histoire. En transe dans la cabine après avoir cramé 10 par l'appétit par la tête de Wam. Vous allez cracher tout le pognon. Nous faire tourner du miel pour effacer le coup de l'oignon. J'ai galéré des nuits entières, hashtagé des chrysanthèmes. J'ai pété des plombs avant d'accepter l'évidence même. La fée fait présidentielle. Je la veux, je l'aura. Demande à Shot là le bif, on fera. On veut vivre nos rêves grâce aux 10 de Peura. Ouais, on veut vider nos têtes car le vice nous aura. Viens pas frimer si t'assumes pas. Y'a que de la tise et des fractures graves en parloir. Du shit et ton anus crack, motherfucker. Zigri zone sensible, Gizi Ouzou. Check moi. J'ai du mal à parler d'autre chose que d'alcool et de shit. J'aime la A. Vite apporter le fric qui s'accroque et le fruit et teaser la bière. Oui, c'est la merde. Je vis entre la corde et le vide. Force que le fisc harcèle les gens. C'est un casse-tête méchant comme la drogue et le bismal. Comme et le guide. Dégarde mon équipe parce qu'on est vif. Le das et les tasses, on est vite. Garçon, les villes où y'a plus d'argent. Ça pue l'Afghan. Les meurtres et les bastons défilent. Affronter guise dans le rap, c'est dead. Je m'en tape des mecs qui se la jouent mais qui m'embrasse mes guêpes, ah, je prends ça pépère moi. Je pense à mes frères qui baissent toutes les balances, qui regardent les decks là. Remballe tes verres moi, je fais 10 fois mieux. En taf taf je vais taf juste 4 taf. C'est bien fraîche. J'aime bien faire des textes infectes qui plaisent et qui baissent l'inspecteur. Je reste impecteux, frotte pas sa pique. Si le rap était de l'air, y'aurait trop d'asthmatique. Sauvage d'Afrique, je sais ce que tu vis, je bec que tu ris. Bang, je fais des bêtes de tuerie, motherfucker. Le temps passe, gros. ça fait. Le temps passe, je te parle des 4 ans, ce qu'on attend de la vie. On reste tous des combattants, la mêlée charlatan. Reste sur tes gardes avant que le temps te la mette. T'as misé presque toute ta vie, tu ramasses des miettes. Le temps passe, hier on était fous, on se foutait tout. Il était temps qu'on s'en fasse, comme tout le monde. On a fait des coups, on a pris des coups, coups, sans jamais faire du surplace. Pour qu'on avance, c'est ce qui paraît, faut qu'on se dépasse. J'ai plus le temps de redoubler, moi je suis là pour sauter de classe. Mais content parce que le temps nous a pris de vitesse. Depuis tout petit indépendant, donc évite me tête. J'suis pas là pour prendre les restes en caisse. J'veux le coffre, j'veux le coffre et le crest de la caisse, gros. On rêve tous de prendre le large, mais pour ça faut faire son argent. Moi j'fais mon art en esquivant les agents. Et mes chiens au agent, dans la street combattant. Dans la street qu'on pas le temps, dans la street qu'on pas le temps. Yeah. Hey, on connaît peu la vie, mais dans nos têtes c'est clair, c'est net. Paradis garanti pour ceux qui accumulent les SNL. Sache qu'il faut se dépêcher, même si t'as le meilleur détachant. Dur de se laver de ses péchés. J'ai fléchi et échoué, le pisse, même l'hiver c'est chaud. J'avais qu'à lire la règle avant de jouer. J'ai les joies teintées de tristesse et mes rêves se brisent tous. Pire en 10 secondes se dispersent. Tu sais pas qui amortit la torpille. Flirter avec le diable, c'est souvent heurter les orties. Le truc est clair, j'aime peu les deux tiers de ce que j'ai fait hier. Je préfère comment j'en parle aujourd'hui. Tu sais parfois la haine m'habite. Ma rue j'y laisserai pas ma peau. Je me relèverai même si je suis au tapis. Et vieux avant l'âge, pas besoin de dompteur. Même quand ça s'empire, déjà 30 piges à mon compteur. Je pose ce que je pense. Pour le choc j'ai pas les suspensions, mais juste quelques substances. J'ai pas intérêt de coopérer. On garde les pieds sur terre. Déterre les faits enterrés, antérieurs ou actuels. Je te dis qu'ils paieront au prix fort. Devant l'épreuve ils se tairont. Je le crie fort. Dans ce pays je suis tricard et j'ai du mal à le digérer, même après 10 tonneaux de rica. Eh eh. T'es Freebase, ma gueule. DJ Holden. Yeah. Hein. Ok. Hein. Yeah. Ok. Écoute. Hein. Écoute. Tiens. Okay. Tiens. Okay. Une vie de sauvage, jamais à l'abri du sautage. On navigue dans la street, on n'a pas de bouée de sauvetage. Le commissaire veut nous grailler comme un autre anthropophage. Bellecophage qui joue les vrais n'est pas sa table dans les reportages. Quand il fait froid, qu'il n'y a pas de chauffage. 12 ans d'âge dans l'œsophage. H24, on pense au cash. La cervelle prise en otage. Les MC ne ratent pas l'occasion. Joue les mythos de bas étage. A trop les mener en bateau. Normal que notre type fasse naufrage. On dit tous qu'on va se racheter de nos trucs de cofard. On oublie que la vie c'est split, que ça va vite comme un go-fast. J'ai jamais voté, je me reconnais pas dans leur suffrage. Gauche ou droite, on rame toujours autant pour remonter à la surface. Je roule un cône bien fer comme une glace à la pistache. J'ai pas trouvé le génie offrant la taille de pichetave. Galéré dans la cage, attendant le H et les mandats cash. Ça fait partie des imprévus d'un train de vie à l'arrache. Yeah. Ouzo Gizi Kourou Sisi. Yeah. Check moi. DDDI Freebase. Yeah. Yo. Yo, yo, je marche avec mes tripes, rap avec mes tripes, taf avec l'équipe, t'as compris, ma barre est Jeffrey, là-bas qu'elle explique, ça se complique à son prix, sous mon couvre-chef, je suis un trouble fait, à bon prix, ça combine dans l'effort de test ou de fraîche. Dire, quartier difficile, parquet loin de tout, pas le génie civil, je crois que c'est ça le truc, la vu que c'est ça, la rue s'écrase, et puis la rue s'écrase. Dès 15-16 ans, nous on va se buter le crâne. Parle pas de travailler, je me lasse, pas de batailler, mais je craque, rien que de voir. Tous ces lascars se bavent à néa, comme s'ils avaient des affaires à l'école. On les voyait faire la fête, hein, et on les raquettait sa mère. Viens pas, viens pas, viens okay. pas. Yeah. Okay. Ouzou. Hey, c'est pas le bruit mais les bâtards qui m'empêchent de dormir. Le pire avec une pierre, on veut bâtir son empire. A tout prix remplir son bide en évitant les bad trips. Ensuite j'envoie tapis sur mon ego trip. Ça bute, ça vole, ça veut ressembler aux riches. Ça triche quand une carotte te rattrape ses trashs. Y'a que les lâches qui prennent la fuite. Prends une cuite, ça vite train. Les bandes sont dans le 18. Fuck l'équipe du dimanche. Rien à foutre de qui mange. Ma gueule, je connais des jabs avec des gueules d'ange. Les rues les mêmes, y'a que les têtes qui changent. On sait plus à qui s'en prendre. Pour le respect on met le prix. On a compris, toujours en guerre, sans savoir contre qui. Le terrain t'appartient, aujourd'hui je le conquis. Faisons la paix comme Apollo Creed et Rocky. Car les balles pleuvent, faut s'abriter. Aux frères partent, aux avos, c'est devenu une banalité. Veut trop mieux qu'on serre les coudes et qu'on stoppe la poudre à canon. Et que nos frères arrêtent de scanner. Et que nos frères arrêtent de scanner. Ouais, Grec et tout pleuvé. Freebase. The vider une bouteille, d'abuser de la sombois. Besoin de me changer les idées car les miennes sont noires. Besoin de rencontrer une petite Salma Hayek. Malheureusement les bêtes de meufs ne s'arrêtent pas quand t'as y est besoin. De voir la vie en grand et pas en mini. Et Inch'Allah c'est imminent que je roule en Lamborghini. Besoin d'oseille et de cash pour cet hiver. Besoin de sommeil et de hache en guise de somnifère. Des fois je me laisse aller et le pire c'est que je m'en rends compte. Putain c'est grave, comment la routine ça rend con. Besoin du pays, j'en ai le cœur qui palpite. De voir nos bleds et de faire un coucou à Khalti. Besoin que l'état français arrête de nous plumer. Besoin de changer d'air, par ici ça sent trop la fumée. Besoin d'un bol d'air quand je suis dans le coltard. Besoin de mettre la barre très haute parce que ça vole bas. Besoin que ça déchire et c'est pour ça que je cherche. De rapper nuit et jour et qu'on dise que j'erre. Besoin de me débarrasser de ces étiquettes. On n'a pas cessé de me coller, normal que j'ai les plombs qui pètent net. Mokless, Gizmo, Chantla, Freebase, Mimi, Yoni Willy, et ma chaîne, yeah. C'est Barbès Clan, poteau, écoute, yeah. C'est Barbès Clan, poteau, écoute, Freebase, sur iTunes, allez le chercher. Écoute, eh oh. Dans la rue, un jour tout se sait, à la surface remontent les cadavres. T'as roulé des gens pour succès, ta carrière prendra des balafres. Y'a toujours un rancunier pour sortir un squelette du placard. Yeah, pull up la prod DJ Oldem. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, casse la porte cousin dans ta cellule, casse la te porte cousin. Ah, ok, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ok, pour tous les mecs au Heps. Wesh Puntos, wesh Pops. Yeah, yeah. C'est Barbès Clan, poteau. Hey, hey. C'est Barbès Clan, poteau. Hey, hey. C'est Barbès Clan, poteau. Hey, hey. Écoute, yeah. Dans la rue, un jour tout se sait, à la surface remontent les cadavres. T'as roulé des gens pour succès, ta carrière prendra tes palabres. Y'a toujours un rancunier pour sortir un squelette du placard. Bellec au fils de pute de fumier, des rendez-vous Trafalgar. Les portes elles sont cadenassées, j'arrive avec la pince monseigneur. T'en aimes pas m'atlasser, t'es tempérament ténueux. Ouais, t'en prends un en assez, jamais plonger le zen dans l'acier. On m'a dit trempe la vie à plein dents, j'ai fait pleurer l'instinct carnassier. Sans caillasse, tu t'ennuies à chier, des journées et des nuits fâchées. J'rappe, mais j'm'en suis pas sorti, dans la rue j'suis un naufragé. Calme-moi, j'poursuis mon trajet, sans sucette et sans mendier. Le chétan fait des avances, puis Marcel comme le banquier. Yeah, toucher les fonds ou toucher le fond, tout part en couille en une seconde. Jouer le con, glissanter la pente, l'immortalité n'est pas de ce monde. T'as coupé les ponts, pété les plombs, vider les comptes pour cette blonde. Chromer les pontes, dépasser les ronds, compter sur les côtes, porter le monstre. Yeah. Bande enfoirée, vous voulez copier mon style. Ok mon petit, offre ton pif et je donne la punch au bout de mon stylo. Y'a pas de chier du bon pilon. Si y'a les stars, les gars, fuyez. J'suis pas eux qui les bons tuyaux. J'ai jamais donné un dealer, non non. Bande enfoirée, j'ai pas bougé, j'me tuais à l'alcool. Et quand j'suis pas en bas, j'suis à la fenêtre. Comme une parabole, nos parents veulent pas qu'on parte en vrille parce qu'on se bat en ville avec les sales cons qui ride la 306 attentif. Faut que je reste loin du star system. La danse c'est 30 millions d'amis. En vrai y'en a 4 qui t'aiment. 1, Anaya, 2, Momo, 3, mon public 2009 jusqu'à l'infini. 4, tous les gens qui m'ont connu quand j'étais pas très sain. Ils sont bloqués dans le futur, moi je suis dans le passé simple. Dans la frette ta face B, dans la frette ta face B, dans la frette ta face B. Et petite pute, entre le pouce et l'index, il reste qu'un temps. Mais content parce que le temps nous a pris de vitesse. Et hey man, je te baisse sur la Manix. C'est du XV3, pas de panique. Pour un billet, ça sneak, ça smoke. Nico Mock, Nico Mike, c'est de la drogue. Fais pas le stock, ma. Des crimes, j'en ai en stock. Ouvre la bouche et soc, ma. Dans le rap, j'pique grave. Le meilleur Tosma, Tosma. Willy B, Ahmed, Koma. Yeah. Barbès Clan. Choc là, énerve au fond, je les ai. Dis à tout le monde que je reste là. Je suis un criminel, non, un criminel. Les riches de criminels, une balle dans ta prunelle. On veut des thunes et les stupes bloquent le tunnel. Je détruis la basse comme un rocker. Micro en main, pile en main, je suis un smoker. Barbès clan freebase. Ok, dans ma putain de gêné, je suis un des plus redoutés. Les premiers à me boycotter, c'est les premiers à m'écouter. Dans mon écriture, ça depuis que j'ai débuté. Toi, tu peux le mensonge comme une pourriture de débuté. Réputé pour amputer les instrumentales. J'arrive à fond dans ta gueule comme une putain de paire de mandales. C'est pour mes crotales, mes débrouillards, mes vandales. Fidèle au principe, pas grand TK à la Jean-Claude Vandale. Entendu des bruits, nous disant disparu. On revient vous mettre d'accord comme 50 grammes au parlu. Le premier c'était que l'entrée. Maintenant fini de plaguer. Car vu le niveau actuel, tu l'as d'être le plus claqué MC. C'était la partie live de l'émission dans la nocturne 100% rap français avec Néo au micro, avec Shotla, avec Gizmo. Aïe aïe aïe. Avec Mokles qui était là, avec Mimi aussi. Oui mon gars. Granny Willy. Va chercher. Merci à vous messieurs. Merci à vous. On va rappeler que c'est dans les bacs, digitalement dans les bacs. Ça ouais, merci à toi, Fred. Merci à vous. Un petit point aussi, Gizmo. Il y a des choses qui sortent bientôt. Merci à Dei, surtout. Ouais, il y a des trucs qui arrivent. Et dans pas longtemps. Très bien. Dans pas longtemps. Des gros trucs en perspective. On suivra ça. Shot là aussi. Ça bosse. Si, ça bosse. Ça bosse dans l'ombre. Mais bientôt. Le Batman de la ZS. Voilà, c'est ça. Mokles, pareil. Toujours en tournée. Toujours. Ouais, et l'album qui arrive en solo. Merci à Mimi d'avoir été là. Mimi, on retrouve le son sur les différents réseaux sociaux qu'on a annoncés. Allez, merci à l'équipe de Yoni Willy. Et on rappelle, Freebase dans les bacs. Merci à vous. Aïe, aïe, aïe. Ciao, ciao. La nocturne continue pendant une bonne heure maintenant. Planète rap. 100% rap français. Contrôle les continents, les pays et les villes. Raid des villes. Salut mon vieux, tu m'en reconnais. Escale pour le sol. Hey, Oscar. Je crois qu'on va encore fourrer sur ce son. J'entends 22, carrosserie noire mat. Le concessionnaire m'a dit touche à rien. Cinéma, télé, tournée, concert sold out. Les grands du quartier m'ont dit touche à rien. Quelques chèques et plus de zéro pour mon comptable. Voilà mon banquier m'a dit touche à rien. Prod de baiser, celle-là c'est pour tous mes pieds. J'ai dit DJ score, ouais, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Dans leur gueule, ils vont toucher à head. Paris, c'est les mecs et les fameux sont trop bad. Ramène tout à clic, on les mettra bien. Tes menaces sont dures, catégorie bonne blague. Si les deux smules, c'est que tu restes ancien. Bloqué sur le terrain, on veut passer à un autre stade. Et on brûle les pistes pour que tu fasses pas lien. Tu nous trouves lourd, j'ai envie de dire comme d'hab. Escalbant le sale, vas-y, quitte la tiens. Défilé de Magnum, défilé de Mathieu. Ma clique de Gaïté est dans la deux bois. Ouais, c'est validé, mon DJ est barbu. Stop et fais-moi que tout le monde lève le doigt. Oh non, ouais, score, c'est comment. Mettez-vous en le vrai, c'est le temps qui prend les commandes. On fait les fous avec des 16, on fait des sous. Vous avez tous au rendez-vous. Une nouvelle mise à la mode. Et les qu'on opère, sortez les concerts. Mec, tu ne se doux, n'y a pas que t'arrêtes de terre. On sera pas lapidé vu qu'on a graillé des pierres. Y'en a marre de béton, faut passer la serpillère. Flow nonchalant, il n'a pas de talent. Distille en râlant, écoute ça bien. Refais tes lèvres, non. Refais tes as, non. Refais ton poule, non. Touche à rien. J'entends 22, carrosserie noire mat. Le concessionnaire m'a dit touche à rien. Cinéma, télé, tournée, concert sold out. Les grands du quartier m'ont dit touche à rien. Quelques chèques et plus de zéro pour mon comptable. Voilà mon banquier m'a dit touche à rien. Prod de baiser, celle-là c'est pour tous mes pieds. J'ai dit DJ score, ouais, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Ça touche à rien, touche à rien, touche à rien. Brolique devant leur gueule, ils vont toucher à aide. Sans rap de merde, y'a trop de sang, suc. Pack de douche et je leur pisse dessus. Touche à rien, rebeu, j'ai trop la coque. Nique la mère à ton meilleur pote. N.I.G. musique Nardo. Red comme les bulles de Chicago. Ça ne sert à rien de jouer les costauds. Tu vas porter plainte après l'hosto. Touche à rien, j'ai trop la loda. Je t'efface comme un vélé d'amour. A pas cumulé les médailles, je te découpe comme un Jedi. Ouais, ouais. Touche à rien sur le pitard score. Ouais, ouais. Rêve de ville est trop hardcore. Oh no. J'suis trop rapido. Tu ferais mieux d'écraser comme un putain de mégot. Si j'ai sensible comme prononcer Dieu don. J'veux pas les quichos, donc j't'explique. sort en 22, carrosserie noire mat. Le concessionnaire m'a dit touche à rien. Cinéma, télé, tournée, concert sold out. Les grands du quartier m'ont dit touche à rien. Quelques chèques et plus de zéro pour mon comptable. Voilà mon banquier m'a dit touche à rien. Prod de baiser, celle-là c'est pour tous mes télés. J'ai dit DJ Scorp, ouais, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Brolic devant leur gueule, ils vont toucher. Hey yo, Sultan et Canardo. Voilà bien vos couplets. Mais vous avez été trop doux, les gars, voilà. Si j'étais pas le rappeur préféré de la grand-mère à ton rappeur préféré, j'aurais fait encore plus sale. Mais bon, je commence doucement. Nique ta sœur, ah ouais t'en as app. Ramène ta mère, je crache dans la chatte. On rentre chez Rolex, une chacun. T'as signé chez eux, mais t'as touché à rien. Ouais, touche à rien, comme les rappeurs français. Score, coupe le son, faut que je parle à mon banquier. Monsieur, j'ai des problèmes et ma femme a pris la BM. Ma maîtresse a pris la Porsche, appelle un chauffeur ou t'es viré. Je touche à tout, je fais du cash. Je vends plus de hache, j'ai une ceinture H. On fait un watt, on n'est pas timide. Tes gars se mouillent pour toi, seulement parce que t'as dû liquider en fin de carrière, comme le basketteur Shaq. Parle sur moi, t'auras 20 000 likes. Bon, le sale escale, j'ai des barbales. C'est DJ Scorp, vitre, allez, cal-cal. Touche à rien. J'entends 22, carrosserie noire mat. Le concessionnaire m'a dit touche à rien. Cinéma, télé, tournée, concert sold out. Les grands du quartier m'ont dit touche à rien. Quelques chèques et plus de zéro pour mon comptable. Voilà mon banquier m'a dit touche à rien. Prod de baiser, celle-là c'est pour tous mes télés. J'ai dit DJ Scorp, ouais, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Brolique devant leur gueule, ils vont toucher. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Avec Niro dans la nocturne. Passe le sel à tous mes ennemis. Passe le sel à tous mes ennemis. J'suis plus rare qu'un astéroïde. Gros cette année, zéro fil. La rue soulève plus qu'un altérophile. 16 crack, héroïde. On débarque dans la villa. Vodka, champagne, rhum, sky et tequila. Invité d'honneur, elle se demande c'est qui celui-là. J'suis médiatisé comme la chatte à Nabila. Mes gars, c'est des paroles, pas du sportif. La mixte a pleuré, fait mal, il la décortique. Non mais plus vite que mort. Je retiens mes foot 3 de M16 et dans les GR sur ses lopettes. Restez pépère, on prend les pépettes. Le reste nique sa grand-mère à l'hypopète. La rue, c'est nous quoi. J'parle aux vrais qui sont concernés. Laissez-les croire qu'ils vous ont cerné. Mais laissez passer ça à l'homme vous berner. J'suis l'ennemi qui veut tout savoir. Poto, j'ai pas trouvé la voie. J'prétends pas tout savoir. C'est chacun pour sa voix. Chacun pour sa voix. Chacun pour sa gloire. Coup de boulette sur le lacos. Pour nous la vie paraît c'est cool. Mineur, on était sur écoute. Très tôt les condos sur les coups. Parce que c'est le mat mes ennemis. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Ah, vu que tu jettes l'argent par les fenêtres, je descends sur terre pour ramasser ton bœuf. Le rap c'est ma salope, va te faire enculer toi et ton buzz. Je les ai tous vu dire que j'étais le plus chaud dans le game quand je les ai portés. Reste en bas, ils vont t'escorter. Dépasse-les, ils vont plus te supporter. Poto, ils prétendent tous être des vrais. Mais ils font rien comme ils devraient. Faudrait qu'ils arrêtent de parler de moi. On m'arrête pas, je suis comme le progrès. Ils tendent la main alors qu'à la base t'as rien demandé. Réussis, ils vont t'en parler comme si tu leur avais mangé. J'peux pas changer les mentalités, même avec mes quatre vérités. J'suis traqué comme un sans-papier, un animal en captivité. Que des dingueries quand j'vois. J'ai jamais vu tourner là-haut. Autant j'préfère foncer dans le mur que demander de me diquer la route. Laissez pas le faire du bœuf. Tout le monde sait qu'on les baise, baise. Si je me nourris trop de leur haine, j'aurais de quoi mourir obèse, baisse. Tous ceux qui m'ont vu monter pendant que je les voyais sécher. Si t'es un vrai, j'ai jamais triché. J'suis pas un rappeur, j'encule tes clichés. Parle de moi, t'allèges mes péchés. Parce que c'est le mat mes ennemis. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Reste seulement tous mes ennemis. Reste seulement tous mes ennemis. Reste seulement tous mes ennemis. Reste seulement tous mes ennemis. Reste seulement tous mes ennemis. C'est la nocturne 100% rap français avec le son qui met loin, celui de Niro. Ennemi, c'est ce qu'on écoutait, c'est extrait de son album Miraculé dans la nocturne 100% rap français. Le son continue, le son glisse. Celui de Tito Prince maintenant avec Boy Différent dans la nocturne. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Des autres. Pourquoi je m'amuse pas comme les autres? Mais je veux récupérer le monde du disque et virer tous ces coachs. Préparez-vous, ça va être hoche. Je vais faire ce que Dyson a infligé à Larry Holmes. J'avale pas leur dîner ni leur punch. Et ça même si Vivica Fox me tartinait des toasts. Dans ma tête, il se passe un phénomène. La femme de ménage n'a plus le cliché de phénomène. Le petit du quartier vient de gagner un prix Nobel. Le président est black, touffu et a une vision saine. Non, non, non, pour ça je suis trop barge. En plus, je m'en tape de la célébrité grave. Je veux juste être numéro un des chartes et faire mes courses au calme. Daft Punk. Ma musique bouffe la tienne jusqu'à l'échine. Donc tu peux dire je mange du chien, c'est mon côté chine. T'arriveras jamais à blesser mon estime. Je pourrais même dire à Luc Besson qui se fait des films. Gardez vos groupies et leur corps vocal. J'ai besoin de calme pour cogiter dans mon vocal. Tu pas dans la merde, juste différent ton gars. Y'a que dans le lit de ma femme que je suis dans de beaux draps. Pourquoi maman m'a fait si différent? Pourquoi maman m'a fait si différent? Pourquoi maman? J'ai jamais peur de déplaire aux autres. Pourquoi je m'amuse pas comme les autres? Comme Verratti, je garde mon ballon et ça fait flipper tous mes coachs. J'ai confiance en ce que je dessine. Ça s'est montré plus efficace que beaucoup de remèdes de médecine. Mais certains restent lourds et ça monte mes cils. Au point que j'hésite à rapper en langage des signes. Mes colocs perdus me demandent si c'est en Lingala ou Wolof. Pour mon kiff à faire des choses qui paraissent étonnantes. Je m'en fous d'être seul à n'avoir jamais joué à Call of. Voilà, Wong, nouvelle hip-hop. Nouveau jeans, nouveau micro, nouvelle anti-pop. Nouveau time, pas à l'heure de ta casio. Je suis dans l'art abstrait, appelez-moi Picasso. Casso, baby. Hétéro, il faut pas me faire chute. Je suis pas un robot contrôlé par vos sciences occultes. Commandez-la, je la ramène juste. J'irai si le faut en prison le jour où ils décideront de nous mettre une puce. Ça barde dans mes récits. D'un coup je vois des nouveaux faciès par ici. Tout le monde veut sa part et j'en vois les signes. Ça m'étonne pas, c'est que le gâteau est réussi. Pourquoi maman m'a fait si différent? Pourquoi maman m'a fait si différent? Sur Skyrock. Nocturne. On demande le respect à personne. MTP connaît la méthode. On peut la coucher pour un petit somme. Te coucher pour une grosse somme. Ma technique arrive du deux blé armé. Prêt à partir en reggae. Aveuglé par les chiffres en 2D. Gravé sur les billets en revêt. C'est plus que du peur, tu le sais, tu l'admets. Des ennemis, on n'aura jamais assez. Je vais pas me faire chier tout seul au sommet. Donc je prends mon temps pour les effacer. Elles aiment le pognon, elles aiment la vitesse. J'explique un texto quand j'ai envie de sexe. Viens me voir si t'as la migraine. Je vais faire semblant de planter la petite graine. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Peux baisser un peu le micro s'il te plaît. On est sur les nerfs. Yeah. Ramène ta biche, je la prends en sandwich avec le négro qui partage ma tête. Man, elle vient pas de Colombie, mais cette blanche me massacre la tête. Man, elle me reçoit 7 sur 7. Je sors ma hug, j'ai mes têtes sur tête. J'ai une nasse verte, j'ai une ceinture verte. J'ai la peau noire, j'ai une ceinture noire. Alléluia, la concurrence fait engloutir par des trous noirs. J'suis dans un club, pas échange, juste en taille des puits dans les fumoirs. J'vois des cougars dans les couloirs. Tous mes négros sont allumés. Ta poisse cette merde, c'est une poêle du nez. Le loup-garou est ma lune. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Paris sur les nerfs. MTP est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Personne ne peut venir contrer toute cette énergie. Le mojo écaille ton vernis. Hein? J'ai pas des idées bien placées. Mais parle plus du passé, je les ai dépassées. Veste matelassée, pas cassée. Père Marcher, la patte lassée. Dans le carré, je regarde et ça va passer. Viens pas me faire la bise si t'es pas rasé, bitch. Le game se fait euthanasier. Cette petite prendra cher, c'est touche à cette dick. J'suis au top dans ma loge. Et dans les loges maçonniques. Et on quitte cette boîte. Si ta boîte est encore nette. J'arrive, je vais m'occuper de cette chatte. Comme Farid de la Morlaine. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Paris sur les nerfs. MTP est sur les nerfs. Planète rap. 100% rap français. Petite chez moi pilote les deux roues et t'arraches ton sac pendant qu'il stoppe au feu rouge. Bico je te secoue, je rétablis tout de suite la peine de mort. Pour ces MC qui font de la peine dehors. Percer leur crâne et fracasser leur corps. Prendre leur CP, leur faire cracher le code. Sap te prendre c'est net. Pétasse, donne-moi l'enveloppe. Oui je prends des chèques, oui je prends de l'or. Mais c'est mes affaires, reste en dehors. J'ai des goûts de luxe, j'aime les belles femmes toutes nues. Et le langage soutenu. J'ai des connaissances, on place et teste. Et on parle à toi, au passé. J'aime tellement la France, je mets dans le rectum. Je pars en vacances en reptum. Attiré que par les belles sommes. Rien à foutre de personne. Sans pitié, sans vergogne. Jusqu'à la mort comme Nelson. Mais je vais tout faire pour pas finir comme Max B à Trenton. Zin, j'ai aucun diplôme comme Christian Estrosi. Christian Estrosi. Christian Estrosi. Mais je vais devenir maire comme Christian Estrosi. Christian Estrosi. Christian Estrosi. Garde du corps armé comme en Afghanistan. Cannabistan, ma OCB, toutes ces calamités ne passeront pas la mi-temps. J'suis riche comme Christian Clavier. Je prime sur ces putes comme Christian Odigier. Monte Carlo, Monte Cristo. J'suis un honnête homme mais je triche quand faut tricher. Le regard l'assistance sur ton code pendant que tu retires qui rend au guichet. J'aime le sexe, le pouvoir et l'argent, je te le dis, je rentre pile dans vos clichés. Je suis mon propre boss, je fais mes propres lois comme dans une ville sans policiers. J'ai ma propre dream team, on est tous en costard, on est six, on voit si cher. Mafia russe, mafia corse, mafia hongroise. J'ai du taf à proposer dans la rue à tous les malfrats qu'on croise. Mets pas dans ma ligne de mire ou sur ma liste noire. Et fais attention à ce que tu risques de croire ou ton créateur, tu vas vite le voir. Vote pour moi, vote pour moi, vote pour moi. Je veux pas être raciste, tous mes gardes du corps ont des glocks tout noirs. J'ai dit vote pour moi, pétasse contre ta mère, vote pour moi. Vote pour moi, besoin d'hélicoptère, de vol en première classe. Je suis devenu accro depuis ma première liasse. J'ai aucun diplôme comme Christian Estrosi. Christian Estrosi. Christian Estrosi, mais je vais devenir maire comme Christian Estrosi. Christian Estrosi. Christian Estrosi. C'est la nocturne Christian Estrosi à l'instant. Infinite, c'est le nom de ce rappeur qu'on écoutait à l'instant sur une prod de DJ Widim. 100% rap français, planète. La nocturne. La nocturne continue avec Ice Lemsi. Il y aura aussi Mac Taylor dans un instant et Alonso des Psychiatres. Je m'exprime au premier degré, je ne laisse ni le blé ni l'amour m'aveugler. Je rappe pour de vrai, je m'approprie les trophées de force ou de gré. Tout est millimétré, nos contentieux mènent à Bichat Robert de Bray. Aucun regret, sauf quand j'aperçois des locaux idolâtrés. La folie des grandeurs va m'avoir à l'usure. Ma folie, c'est rondeur, l'odeur de la luxe. 300 000 au compteur, insomnie mon moteur. J'éprouve comme une rancœur, comme mon cœur se fissure. Je sais qui tient les ficelles dès l'enfance, mon talent est d'une triste blessure. Y'a du monde à viscérer des nouvelles recettes. C'est la MS-17 qui te brise le fémur. 20 piges, pieds du mur corner. Cagoulé sur la hornette. 4 pétailles dans la corvette. Les rappeurs baillent au corneille. Honneur ta silence, honneur. Poukito, je te montre en l'air. L'élite arrive, arrive, allure. J'ai la dalle, je viens du corner. Respecte les seigneurs, l'insolence est borgne. Le silence est d'or, car le silencieux dort. Dedans de trahir pas l'omerta, y'aura pas mort d'homme. Petit, tu te demandes pourquoi les grandes forges à la loi du plus fort. La rue n'est pas un jeu, tout le monde n'a pas ton âge. Et des gens vont plonger si tu perds tes couilles à deux pas du coffre fort. J'rappe ce que j'ai souffert toute ma life. La vingtaine, pas d'enfant, pas de wife. J'prends le micro toute la night. Paranoïaque, schizophrène, insomniaque. Vide ma life, pique que j'suis sur le corner. Pique que j'suis sur la hornet. Arme serre sur tes pommettes. Pique que j'suis sur tes côtelettes. Pique que j'suis sur le corner. Pique que j'suis sur la hornet. Arme serre sur tes pommettes. Je suis sur tes côtelettes, elle veut pas toi, Vico, c'est ma bitch. Elle veut pas toi, Vico, c'est ma bitch. Je crois qu'elle cherche un homme riche, elle aura cloté, une paye, un sandwich. Y'a de la poudre dans l'air, tout le corner à terre, commission rogatoire. Vico, non mandataire, dis avoir aperçu Belphégor au parloir. J'investis dans la pierre, le sang coule dans les rues, sort l'oseille du tiroir. Elle arrive de Tijuana, je pisse du rose pour marquer mon territoire. L'argent fait le bonheur, les yachts et la haute couture, le monde est à nous. Passe au corner avec mes darlas, tu veux pas que je te hagaro hanou. Si la ture préméditée sous les douffes de l'aurore, loin des pays parfumés que le soleil caresse, à la recherche d'une identité, d'une arme de l'Est, on a l'essence éveillée, mais l'oseille n'est reste. J'ai toujours les mêmes habitudes, sur le bitume, pique aux whiz, attitude. La rouge écrit texte, la digne roule une tulipe, mais j'ignore encore comment l'album s'intitule. Petite pute, je n'ai qu'une parole, je suis formel. Car le corner m'a formé, 7-5, je crois dans tes oreilles. Paraît fort comme des corners. Respecte les seigneurs, l'insolence est borgne, le silence est d'or, car le silencieux dort. Dedans de trahir pas l'omerta, y'aura pas mort d'homme. Petit, tu te demandes pourquoi les grandes forges à la loi du plus fort. La rue n'est pas un jeu, tout le monde n'a pas ton âge. Et des gens vont plonger si tu perds tes couilles à deux pas du coffre fort. Je rappe ce que j'ai souffert toute ma life. La vingtaine, pas d'enfant, pas de wife. Je prends le micro toute la night. Paranoïaque, schizophrène, insomniaque. Vide ma life, pique que je suis sur le corner. Pique que je suis sur la hornet. Arme serre sur tes pommettes. Pique que je suis sur tes côtelettes. Pique que je suis sur le corner. Pique que je suis sur la hornet. Arme serre sur tes pommettes. Elle veut pas toi, Vico, c'est ma bitch. Elle veut pas toi, Vico, c'est ma bitch. Je crois qu'elle cherche un homme riche. Elle aura cloté, une paye, un sandwich. Capote sur un négo, fleur panée, MD, c'est la vidéo. Détaillé, 96 euros, dépôt. Déterré, liasse de billets dans les couilles. Feuille enfouraillée, nerner dans le frigo. Mes oranées, mes algérois, dégo. Mes négros de l'année, elle est fragile, réseau. Deux fois allié, le type du type, mon type va défourailler. Au rap 100% rap français. Fuck le rap game, El General et Chico. Ça vient d'Aubert, yeah. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Je marche sur mon cœur et je trouve que c'est mieux comme ça. Pas d'attache, pas moi, que de cash. Violent comme un vrai fan de calage. Pour moi, cash. Les gars, t'es sorti, moi, je prends les doigts de tir qui va là. C'est la merde, elle est dans la deux portes. Tout le monde attache jusqu'à la maman. Balade, balade. Son comme un samouraï et salam. C'est trop la garde dans ma tête pour vous passer le salam. On a plus de rythme que des cadavres sous les sabots de mon cheval. Je suis comme l'apocalypse, y'a plus âme qui vit derrière moi. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salam. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salam. Au quartier ça craint, mais je n'aime pas dramatiser. Je n'aime que traumatiser, voilà. Et encore pire que la PST. Toujours une envie d'acheter. C'est pire qui vient du continent. Moi j'ai la racaille, ambition. On va la pécrave dans tous les bâtiments. Patrouille, crocs, coin de rue, OD, guetteur en stand. Difficile de faire son genre. Surtout si tu n'as pas de gueule. Si tu n'as pas les connexions. Tu n'as pas les couilles de faire les choses. Y'a trop de voyous de studio qui s'amusent à faire les shows. Qui s'amusent à désorienter le petit frère du ghetto. Nous on investit au double. L'Amérique c'est pour les autres. Malade, malade. Malade, malade. C'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salam. Malade, malade. Malade, malade. C'est trop la guerre dans ma tête pour vous passer le salam. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Spike le mec. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville Z. La belle ville Z. La belle ville Z. On a bu 12 packs. Roux avant sur le nez. Cagoule noire sur le nez. Mzingaland, tu connais. Djentjaouid, soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le zin se marie, cheval cabré sur le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la Courneuve. À 200, on sourit au flash. Permis vient des comment. Comme d'hab, j'm'en tape. Bang et meuf, tank et voilà, comme d'hab. On achète pas les airs avec de sous-table. On encule pas les airs, au cul ou on stab. La bague vend du shit, les frères ouvrent des chichas. Avec le bénef du shit, cherche à devenir au fichat. Tibi spinner pour mon fiche, pour mon chiffre. Je n'ai pas de compte en Suisse, tout est dans le m'sango de la mama. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville Z. La belle ville Z. La belle ville Z. On a bu 12 packs. C'est la hesse, je pague en espèces. Ray de cesse, here we go, bastos dans la fortas. Dans la bouche un chouche, sur la tête un chèche. A-L-O-N-Z, j'ai de la reprise comme un comptage. Rabat, Tupac, Malaga, Marseille, go fast. Tu payes pas, chotasse. Tu dis que c'est Tahlel, mais c'est une chota. C'est le choix de Villezin. Un choix de Villezin. Un choix de Villezin. Un choix de Villezin. Je me lève à 15h d'appel. Soirée passée, crème sous tombée. Encore ballonné, j'affronte les problèmes, m'inganté. Je fais que Salomé, je baroute en paquet, me suis chargé. Pas tant comme non, les amers, la BLM, waouh. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville Z. La belle ville Z. La belle ville Z. On a bu 12 packs. Bas les pattes, j'ai le gilet pare-balles. Dans le bloc, goût le poil, la coffre, sa bibi non-stop. Et coupe-gorge, tâche, non, la poule aux yeux d'or, chie des lingots. Choufanigo, tilt bingo, hasta luego. Dans les Vosges, barbac, barbac. Casque shark, pollen jack, date de jack, soirée man, jack. Avec Yves et Jacques, polo black, jean black, todo black, chrome black, roof black, moto black, all black, tout est black. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. Tiens-moi du bisap. La belle vie de zin. La belle vie de zin. La belle vie de zin. On a bu 12 packs. La belle vie d'Alonso à l'instant dans la nocturne 100% rap français. Découverte de Benji, Benji des Nègres Marrons sur le label Première Classe. Rêve en HD, un morceau qui s'appelle Last Bill, c'est ce qu'on va découvrir maintenant dans la nocturne. Envoyez vos messages, dites-nous ce que vous en pensez, 41 759 avec le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock aussi.